On va parler de la NCAA avec notre ami Wallet. Salut Wallet. Salut Dan, ça va bien? Wallet, on n'a pas eu l'occasion de se parler. Tu étais dans l'impossibilité de me parler. Hier, on a eu un petit contretemps aussi. Je veux te parler des bowls qui ont eu lieu dans le temps des fêtes. Y a-tu un bowl? Parle-moi des meilleurs bowls. Je sais que le Rose Bowl, ça n'a pas été mauvais du tout, même de ça. Et y a-tu d'autres bowls qui ont retenu ton attention? Ouais, ben écoute, tu m'enlèves un peu les mots de la bouche là. Avant de parler du Rose Bowl, le Outback Bowl entre Minnesota et Auburn, on en a parlé en plus dans notre chronique spéciale avec Benjamin Saint-Just là, il y a de ça quoi 2 semaines. Ça a été du bon football là, ça a été très chaudement disputé, puis les Golden Gophers de Minnesota qui se sont sauvés avec la victoire avec le seul touché du quatrième quart. Comme je viens de dire, 31-24 contre Auburn. Qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est que Minnesota, c'est un programme qui a bien fait cette saison, mais étant donné que historiquement, c'est une équipe qui est jamais classée au sommet du top 25, ben beaucoup d'analystes ou le comité, par exemple, ne les plaçaient pas si haut que ça. Mais là, avec une victoire importante en bowl contre Auburn, qui eux, on va se le rappeler, ont battu Alabama cette saison, ben moi, je ne serais pas surpris de voir Minnesota finir la saison dans un top 10, top 12, puis potentiellement être encore hautement placé là, en 2020. Parce que là, le recrutement, ça va être facile, ça va être plus facile d'avoir un recrutement. J'ai pas vu le recrutement, mais est-ce pas pire le recrutement jusqu'à date du Minnesota? Écoute, il y a un bon recrutement, mais encore une fois, c'est dû à l'emplacement géographique de l'État, ils vont se retrouver. Ouais, excuse, tu ouais, m'entends bien? Oui, on t'a perdu pendant une couple de minutes, là. OK. Écoute, c'est ça. Pour répondre à ta question là, sur le recrutement, c'est sûr que Minnesota vont être désavantagés là, pour point de vue géographique. Ouais. C'est pas aussi facile de recruter quand tu es au nord des États-Unis, collé sur le Manitoba, que si tu es, exemple, en Alabama ou en Caroline du Sud ou toutes ces places-là. Donc, gros match pour Tanner Morgan, le corps arrière de l'équipe, qui lance pour près de 300 verges, 2 touchés, une interception. Il y a eu beau jeu au sol aussi là, du porteur Mohamed Ibrahim, là, qui est à sa deuxième saison, qui devrait être encore plus important l'année prochaine. Je pense que Minnesota, ça va être une équipe intéressante à suivre, puis ça va être un bowl que j'ai bien aimé. Puis comme tu as dit en entrée de jeu, là, le Rose Bowl, on peut pas le passer sous silence. Ça a été un match exceptionnel entre Oregon et Wisconsin. Les Ducks qui remportent le match 28-27. Justin Herbert, peut-être un petit peu décevant dans ce match-là, il termine le match 14-20, 138 verges, une interception. Moi, je suis vraiment pas vendu sur lui là, pour la NFL. Me fait un petit peu penser, si on veut, là, à un Josh Allen à Buffalo, sans l'aspect de la course. La raison pour laquelle je le compare à lui, c'est que c'est vraiment un prototype de corps arrière qu'on veut, un gros monsieur avec un gros bras, mais un peu comme Josh Allen, des fois les statistiques sont pas là au niveau du college football, donc est-ce que la transition va bien se faire vers la NFL, on le verra, mais pour l'instant, là, si on se concentre sur le match, là, ça a été un bon match, Jonathan Taylor qui termine son séjour universitaire avec près de 100 verges au sol, puis finalement, c'est un autre match qui m'a vraiment intéressé. Ben, on va en reparler peut-être plus en détail lundi, mais ça a été la demi-finale entre Clemson et oui, Ohio oui, State. Oui, là. Oui. Je me rappelle, j'écoutais le match avec mon père, puis je lui disais, dans 5-10 ans, je pense qu'on va encore parler de ce match-là comme probablement la meilleure demi-finale qu'on a eu le droit de voir là, depuis qu'on a les éliminatoires. Tous les gros violons se sont présentés durant le match. Trevor Lawrence, encore une fois, 260 verges, 2 touchés. Son opposé, Justin Field, 320 verges, 1 touché, 2 interceptions. Des gros jeux défensifs, des revirements. C'était du super de bon football, un super de bon match. Puis, je pense qu'il y avait beaucoup de gens avant le match là, qui avaient encore des doutes sur Clemson. Tu l'avais dit que ce serait tout un match. Tu l'avais prédit, ça? Ouais, ben, c'est ça, comme j'allais dire, il y a beaucoup de gens qui avaient des doutes que Clemson allait. Ah, Clemson, ils n'ont pas connu une grosse saison parce qu'ils n'ont pas battu tout le monde par quatre touchés, mais en bout de ligne, Clemson, même si j'ai été critique de eux en début de saison, ils ont terminé l'année fort, puis je voyais là, que Trevor Lawrence avait quelques petites difficultés en début de saison. Il a rajusté l'heure, là, il jouait beaucoup mieux là, au mois d'octobre, au mois de novembre, puis. Moi, j'ai pas été surpris là, de voir un match aussi compétitif entre ces deux équipes-là. Puis je pense que c'est de bonne augure là, pour la finale la semaine prochaine qu'on va discuter lundi. Là. Oui, effectivement. Donc, on va surveiller ça de très très près. Je veux te parler de il y a des joueurs, évidemment, c'est la période actuellement pour les joueurs pour se déclarer éligibles au repêchage de la NFL. Et le gars qu'on suivait le plus, c'était Tua. Et Tua, moi, il y avait des moi, je pensais que, honnêtement, quand j'ai appris que Nick Saban allait être à la conférence de presse, j'étais sûr qu'il allait pour une dernière année. Ben non, finalement, il a décidé de faire le saut tout de suite. Ouais, hein, puis moi je vais t'avouer que c'était un peu la même chose là, dans les heures qui nous menaient justement à cette annonce-là. On nous annonçait, premièrement, une conférence de presse, c'est assez rare, là. La plupart des joueurs, ils se rendent admissibles, ils vont sur leur Facebook, leur Instagram, leur Twitter, puis ils annoncent, ils mettent un beau texte pour remercier l'université, puis ils disent qu'ils se rendent admissibles Mais au repêchage. il n'y a pas le National Kicking Day aussi que ESPN fait un bon show avec ça, puis tous les canaux américains. Puis j'ai vu un match high Ben, school. Ouais, j'ai vu ouais, un. ça c'est naturellement pour les joueurs là, qui quittent le secondaire Ah oui, après c'est vrai, oui, c'est vrai, j'ai pour se vu. rendre dans le college football. Mais Ouais. comme que je dis, là, les joueurs quand ils se déclarent pour la NFL, Oui, souvent, excuse-moi, je vais aller. ils vont sur leur Instagram puis ils vont mettre une photo avec un texte qui remercie l'université. Puis dans le cas de Tua, mais probablement tu as une conférence de presse qui est un petit peu différent. Après ça, comme tu viens de dire, on nous annonce que Nick Saban va être là. Puis je lisais là, des journalistes qui couvrent à la barre, puis il y a beaucoup de gens qui disaient, même si c'est surprenant, nous, on ne serait pas surpris de voir Tua revenir à cause que probablement trouver quelque chose. Puis, ben finalement, non, je pense qu'il a pris la bonne décision, il sera dans la NFL. Je pense pas qu'il va être repêché aussi haut qu'il l'aurait été s'il n'avait pas été blessé, puis qu'Alabama, pardon, avait fait les éliminatoires, mais ça va rester, selon moi, le deuxième meilleur corps arrière. Sinon, dans les autres joueurs qui se sont annoncés Hier, comme. Jake Froome, hier, Ouais, Jake Fromm Georgia. de Georgia. Je pense que ça, c'est une décision intéressante. Là. Jake Fromm, il n'a pas connu une très grosse saison avec les Bulldogs cette saison. On peut attribuer ça à deux aspects assez simples. Sa ligne offensive n'était pas aussi dominante que ce qu'on a pu voir dans le passé. Puis, je pense que les receveurs de passe de Georgia étaient soit trop jeunes, soit pas assez préparés. Mais clairement, là, il manquait un peu de finition dans son jeu cette saison. Donc, moi, je pense que ça va affecter son rang au repêchage, mais on le voit là, depuis 4 ou 5 ans, et même plus, les équipes de la NFL, ils veulent aller chercher des jeunes corps arrière qui coûtent moins cher pour les développer, un peu les mettre à leurs mains. Donc, ça aussi, ça a été un choix intéressant là, pour Jake Fromm de se rendre dans la NFL. Puis sinon, dans des choix là, qui n'ont pas surpris personne, ben Chase Young d'Ohio Ouais. State. Même chose avec Jeff Okuda d'Ohio State, le demi-coin. Deux gars qu'on s'attendait à avoir dans la NFL l'an prochain. Au niveau des receveurs de passe, on a eu une petite surprise. Tu as CeeDee Lamb, Jerry Jeudy, puis Henry Ruggs qui se rendent admissibles au repêchage. Mais c'est. J'oublie son nom, là, mais c'est le troisième receveur de passe d'Alabama, Smith. Qui lui décide de revenir pour son année, sa dernière année dans le college football. Donc, ça c'est aussi c'est intéressant. Tu vois des gars qui reviennent pour leur dernière saison, puis qui décident Évidemment, de c'est un guess pour eux autres. C'est un guess parce qu'à quelque part, si tu reviens, tu peux augmenter ta valeur. C'est pour ça que moi, je pensais que toi, avec sa blessure, puis le fait qu'il ait été blessé 3 fois en 1 an et demi, je me disais peut-être qu'il va augmenter sa valeur. C'est sûr que l'an prochain, tout le monde s'est dit que c'est Trevor Lawrence qui va être le premier choix overall. Sauf que, Puis en t'sais, plus de ça, ouais. t'as Justin Fields qui commence à se faire un nom pour lui-même, qui pourrait justement chauffé un peu là, avec Trevor Lawrence pour le premier choix. Ouais. Donc, ben c'est ça. Puis, comme que j'allais dire, tu as un gars comme Devontae Smith qui, lui, décide de rester à Alabama. Puis, je pense que ça, Devontae Smith, là, on le sait, c'est un gars qui avait sorti en première ronde dans le repêchage cette saison. Je pense qu'il va vouloir prouver que même sans les deux autres gars qui partent, là, Henry Ruggs puis Jerry Jeudy, il est en mesure d'être un receveur dominant, puis il devrait sortir en première ronde en 2021 pour après son séjour à Alabama. OK. Ben Wallet, on s'en reparle lundi pour la grande finale, lundi et mardi. On va s'en reparler pour le match. Puis nous, ben, c'est ça. Fait que passe un beau week-end. Ouais, à toi aussi. Wallet du site internet lebetsnfl.com.